إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله on se retrouve encore une fois par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour commencer aujourd'hui le cours numéro 21. On est toujours dans l'explication sur la série des cours de l'explication de Juz Amma. Et nous en sommes arrivés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à Surat Al-Shams. Naam. Surat Al-Shams, le soleil, est une surat, une grande surat, mécoise, préhigérienne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme on va le voir, jure dans cette grande sourate par des grands signes. Il jure par ses créatures, dans le but que les serviteurs en tirent une leçon et un profit. Car Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a vu à plusieurs reprises, ne jure pas sur une chose sans qu'il y ait une morale, une leçon et un bénéfice à en tirer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله سبحانه وتعالى il dit dans la traduction approximative, par le soleil et par sa clarté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala y jure ici par le soleil. Cette énorme planète, cette créature énorme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Comme on l'avait vu dans Surat La Nouvelle, c'est une lampe très ardente qui éclaire l'univers. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a placé cette lampe de soleil pour illuminer toute la création. Jusqu'à rentrer, subhanallah, dans les grottes et les cavernes. Donc il y a dans le soleil de nombreux bienfaits. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il jure ici par le soleil et sa clarté. Il y a des bienfaits mondains dont profitent toutes les créatures. Comme cette clarté, cette lumière qu'il profite, ainsi que la chaleur, l'énergie. Les gens profitent de la lumière et de l'énergie qu'il dégage, et cela engendre la poussée des plants, des fruits, des arbres, la végétation en général. Des bienfaits tellement nombreux qu'on ne peut les dénombrer, et que seul Allah subhanahu wa ta'ala en a la connaissance. Et il y a aussi des bienfaits religieux. Comme vous le savez, pour les horaires de prière, on détermine par le soleil, hein, l'entrée par exemple des heures de prière, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala jure par le soleil et sa clarté, c'est-à-dire sa lumière, pour montrer la valeur et le besoin des créatures de ce soleil. Et que cela fait partie de ces grands signes qui prouvent la parfaite capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa science parfaite ainsi que sa miséricorde, afin que les gens réfléchissent, méditent sur ces grands signes, par le soleil et par sa clarté. Et par la nuit quand elle le suit. Allah subhanahu wa ta'ala il jure ici une deuxième fois par la lune. Je dis la nuit, c'est par la lune quand elle le suit. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala il jure par la lune. Donc cette deuxième grande planète, cette immense créature, quand elle le suit, c'est-à-dire le soleil, quand elle suit le soleil, elle le suit tout d'abord dans la lumière. Hein, c'est-à-dire quand le soleil se couche et que l'obscurité apparaît, la lune vient à ce moment-là pour éclairer l'univers. Elle illumine les créatures dans la nuit. Donc le soleil et la lune s'alternent. Et la lune suit le soleil, ainsi dans les positionnements. Donc non seulement elle le suit dans la lumière, mais aussi dans les positionnements, c'est-à-dire le cercle lunaire qu'elle a. Car la lune, elle s'éloigne du soleil petit à petit. Elle est proche du soleil au début du mois, à l'ouest, comme ils disent les savants. Et au milieu du mois, c'est au moment où elle est le plus éloignée, à l'est. Donc la lune, elle suit le soleil dans la lumière et dans les positions. Et il y a en cela des grands signes pour celui qui réfléchit. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا. Et par le jour quand il l'éclaire. Quand il éclaire. Allah subhanahu wa ta'ala jure ici une troisième fois. Par le jour quand il éclaire. Un autre grand signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quand le jour vient, il éclaire tout l'univers par sa lumière. Il illumine la surface de la terre. Hein? Et par cela, toutes les choses qui sont sur la terre deviennent claires et manifestes. Et ceci est parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Ali Imran, verset 190, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Allah subhanahu wa ta'ala jure ensuite par l'opposé du jour. Il dit وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا. Donc au début, il a juré sur le soleil et la lune, deux opposés. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَهَا. Pareil. Et par la nuit, quand elle enveloppe. La nuit vient après le jour. Allah subhanahu wa ta'ala enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala couvre le jour de la nuit sans arrêt. Comme il est venu dans le verset. Donc ici, et par la nuit quand elle enveloppe, c'est-à-dire qu'elle couvre la terre comme une couverture qui viendrait couvrir petit à petit une personne ou une chose. Elle enveloppe la surface de la terre, elle couvre la surface de la terre et devient obscure. Et ceci fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ainsi, la succession de l'obscurité et de la lumière, du soleil et de la lune, dans cet univers, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait avec perfection et organisation. Pourquoi ? Pour les intérêts des serviteurs. Et tout cela prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Et qu'il est connaisseur de toutes choses. Et qu'il est le seul qui mérite l'adoration en vérité. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui est nul et fausse. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala ensuite وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. Et par le ciel et celui qui l'a construit. Allah subhanahu wa ta'ala ici, il jure par le ciel, un autre de ses grands signes. Le ciel, le toit, un toit élevé. Et ici, c'est le sens des sept cieux, hein, bien sûr. Il dit, et celui qui l'a construit. Ici, comme disent les savants, ceux qui ont expliqué ce verset, ils disent qu'on peut comprendre deux sens sur ça. Nous, on va expliquer en français, parce qu'en langue arabe, c'est plus clair. Hein, c'est par rapport au ma ici, wassama iwama. Hein, et celui. Nous, on va voir qu'ici, le premier sens, ils disent que donc c'est par le ciel et celui qui l'a construit, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a construit, qui l'a élevé. On a fait un toit élevé pour la terre. Ça, c'est le premier sens. Et le deuxième, wama banaha, c'est-à-dire il jure par le ciel et sa construction. Et sa construction qui est parfaite. Hein, c'est-à-dire la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala a construit tous ces cieux qui tiennent les uns sur les autres. Hein, car les cieux sont immenses par l'élévation, l'extension et la force. Hein, et d'autres choses qui font partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la royauté. Celui qui a créé sept cieux superposés sans que tu vois de disproportion en la création du tout miséricordieux. Ramène sur elle le regard, y vois-tu une quelconque brèche ? Non. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par l'opposé du ciel. Il dit, et par la terre et celui qui l'a étendue. Et par la terre et celui qui l'a étendue. Et ici, c'est la même chose. C'est comme dans le verset précédent. Le sens, il y a deux sens ici. Donc soit, c'est par la terre et celui qui l'a étendue. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a étendue. Et le deuxième sens, c'est « et par la terre et son étendue ». C'est-à-dire la façon par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a étendue. Dans tous les cas, Allah subhanahu wa ta'ala jure ici par la terre, un autre de ses grands signes, et celui qui l'a étendue. Hein, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il l'a étendue et il l'a élargie de sorte que les créatures en tirent profit de toutes les manières. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate, qui est éparpillé, verset 49, et la terre, nous l'avons étendue, et de quelle excellente façon nous l'avons nivelée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la terre un lit, firash, un lit pour les gens, pour qu'ils puissent dormir dessus, construire, marcher dessus, cultiver, et d'autres bienfaits dont ils ont besoin. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé de façon parfaite. Il ne l'a pas fait trop dur ou trop molle, mais parfaitement entre les deux. Et ni trop étroit, afin qu'il n'y ait pas de bousculade entre les gens et qu'ils s'entretuent, qu'ils se battent entre eux, ou que cette étroitesse leur porte préjudice. Tout cela fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et des bienfaits pour ses serviteurs et pour leurs intérêts. Et nous, subhanallah, on le voit tous les jours. On voit le ciel, on regarde la terre, on regarde tout ce qu'il a créé Allah subhanahu wa ta'ala, mais les cœurs, ils sont insouciants. C'est pour ça qu'il est... Il convient pour tout croyant et tout croyante, chaque musulman, chaque musulmane doit méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala tant qu'il est possible. Et cela fait partie des choses qui augmentent la foi. Des choses qui augmentent la foi. Car si tu sais que cette créature est immense, tu connais l'immensité de celui qui l'a créé, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Allah subhanahu wa ta'ala jure par l'âme, c'est-à-dire par chaque âme. Hein? Un des plus grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette créature imperceptible, étonnante, que personne ne connaît. Personne ne connaît son secret si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. On voit les créatures, ils ont essayé de connaître sa réalité. Essayer de l'étudier, etc. Mais impossible pour l'humain de la connaître. Car c'est un secret parmi les secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala que seul lui en a la connaissance. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans le verset, la traduction approximative, et il t'interroge sur l'âme, dit, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné. Et ici, subhanallah, c'est comme dans les autres versets qu'on a vus. Le sens, soit c'est le sens ici de celui qui l'a harmonieusement façonné, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ou soit le sens est, quand Allah subhanahu wa ta'ala jure ici, et par l'âme et par son harmonieux façonnage. La manière dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a façonné harmonieusement, parfaitement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé de façon parfaite dans sa forme et dans sa nature, droite. L'âme, comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans Sourate, les Romains, verset 30, dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il est venu dans le hadith authentique, apporté par Muslim, Al-Bukhari wa Muslim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque enfant naît selon la nature saine, Al-Fitra. Et ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un adorateur de feu. Donc chaque âme, elle naît sur la saine nature, sur la religion de l'islam. Et c'est quoi qui la rend après qui la détourne de cette religion, hein, c'est à l'éducation des parents, etc. Donc l'âme, est un grand signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a juré par elle car elle a un mérite. L'âme est extrêmement délicate, elle est légère, elle se déplace très facilement et elle bouge facilement. Elle change rapidement car elle a un effet sur la personne, comme on le voit tous les jours. Comme le souci, la volonté, l'amour, la colère, la haine, elle change rapidement. Car si l'âme n'était pas dans ce corps, le corps serait comme une statue qui n'a pas de bénéfice, comme ils disent les savants. Le corps serait comme une statue qui n'a pas de bénéfice. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a harmonieusement façonné est un signe parmi les plus grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette âme de façon parfaite. Et qu'Allah est capable de toutes choses. Et que c'est lui qui mérite l'adoration. Seul. C'est lui le créateur de l'univers. Pour affirmer toutes les formes d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite « فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا » et lui a inspiré son immoralité de même que sa piété. Et ça c'est comme le verset qu'on avait vu dans Surat Al-Balad quand Allah subhanahu wa ta'ala il avait dit « Ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies » c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il l'a guidé donc la voie du bien, il a montré la voie du bien et la voie du mal. Il a montré la guidée de l'égarement. Il a montré le bien du mal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré le chemin du bien ainsi que le chemin du mal. Il a montré le chemin de la corruption et le chemin de la piété. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à la créature, comme on avait vu, une capacité, une volonté. Il lui a donné un choix. Quel chemin va-t-il prendre cette âme? Est-ce qu'elle va prendre le chemin de la piété ou le chemin de la corruption? Et Allah subhanahu wa ta'ala rétribuera selon ce qu'elle a fait. Car la rétribution est de la nature de l'œuvre. Et Allah subhanahu wa ta'ala il sait si la personne elle a un bien. Donc il va lui faciliter dans ce bien. Il va lui donner la réussite. Et si Allah il sait qu'il y a un mal dans cette âme, il va lui faciliter dans ce mal, il va le guider dans ce mal, pour un châtiment pour lui. Donc la personne, elle est avec son âme. Et il faut choisir laquelle des deux voies la personne, l'âme, veut prendre. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala ensuite, il dit, a réussi certes celui qui la purifie. C'est-à-dire a réussi et a sauvé son âme. Celui qui purifie son âme. Celui qui nettoie son âme de toute forme de shirk, comme on avait vu dans Surat Al-A'la. Elle purifie son âme de toute forme d'association à Allah subhanahu wa ta'ala, de mécréance, de toute forme d'innovation, et de toute souillure de péché et d'injustice, de transgression. Donc a certes réussi, il a gagné celui qui purifie son âme en obéissant à son Seigneur, en étant sincère dans l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant un bon comportement. A réussi celui qui honore son âme en l'élevant par l'obéissance, par la science bénéfique et l'œuvre pieuse. Celui-là, alhamdoulilah, a certes réussi dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Mais le serviteur est une cause pour la purification de son âme seulement. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la réussite. Toi, tu n'es qu'une cause. C'est Allah qui purifie le cœur de son serviteur vers son obéissance. Car il voit de lui qu'il a pris la voie du bien. Et ici, les savants ils disent, dans ce verset, la purification, attention à ne pas comprendre que c'est la purification ici dans le sens de se vanter, de faire des éloges à son âme. Car comme ils disent, cette purification, le fait de se faire des éloges ici, c'est interdit. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat l'Étoile, verset 32, « Ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. » Et il dit dans Surat An-Nisa, les femmes, verset 49, « N'as-tu pas vu ceux-là qui se déclarent purs? Mais c'est Allah qui purifie qui il veut, et ils ne seront point lésés, fût-ce d'un brin de noyau de date. » Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne la deuxième âme, celle qui est perdue. Il dit « Et est perdu certes celui qui la corrompt. » Celui qui la corrompt, c'est-à-dire celui qui la corrompt en précipitant son âme dans les destructions et les péchés. dans l'association Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'innovation, dans les péchés, dans le mauvais comportement. Donc c'est celui qui rabaisse son âme par les mauvaises actions. Certes, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'égare. Allah nous en préserve. Et c'est pour ça que le croyant, lui, hein, il doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il le raffermisse sur son obéissance. Il doit constamment demander à Allah subhanahu wa ta'ala le raffermissement et la science bénéfique et l'œuvre pieuse. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir son cœur, alors que c'est la meilleure des créatures, c'est le messager, le meilleur des messagers des prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ses péchés antérieurs et passés et futurs. Mais il multipliait cette invocation. « Oh, celui qui tourne les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. » Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? On doit multiplier, on doit savoir. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel, qu'il croie en moi afin qu'il soit bien guidé. » Donc il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala le raffermissement. Et demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'augmente dans la guidée et dans le bien. Taïb. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va mentionner ici le peuple de Thamud, qu'on avait déjà cité dans les sourates précédentes, dans sourate Al-Fajr. Hein, le peuple de Thamud. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Comme on avait vu l'histoire de Salih, le prophète alayhi salatu wassalam, le prophète de cette tribu de Thamoud, cette tribu qui se situe en Arabie, comme on avait dit, entre le Hijaz et Tabouk. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passa devant leur demeure au peuple de Thamoud avec ses compagnons sur son chemin vers Tabouk. Naam. Et c'est interdit, comme ils disent les savants, de voyager dans ces endroits pour une joie, pour que ça soit une joie. Mais c'est au contraire ici, lorsque la personne elle passe sur, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il en a fait un signe pour que les gens y réfléchissent, ils prennent une leçon, hein, ils prennent une exhortation. C'est pas au sens de d'être heureux par ça. Celui qui connaît l'histoire et qui sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a anéanti son peuple, ce peuple là, hein, il prend des leçons. Non, et il a peur. Donc le peuple de Thamoud, comme on avait vu, hein, ils vivaient après le peuple de Ad. Hein, et ils adoraient, ils associaient à Allah subhanahu wa ta'ala, ils adoraient des idoles. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur envoya Salih en tant que messager et prophète, hein, pour les appeler à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala unique. Et le fait de rejeter toute adoration en dehors de lui, parmi les idoles et les statues. Mais la plupart ont renié et ont démenti Salih, le prophète, hein, et ont tenté de le tuer. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné un signe, la chamelle d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala envoya comme preuve de l'authenticité de la mission du messager et du prophète. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, on va lire les versets inshallah ou ta'ala, on va se contenter de ça parce que c'est assez long. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction approximative: et au Thamoud, leur frère Salih, ô mon peuple, dit-il, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Certes, une preuve vous est venue de votre Seigneur. Voici la chamelle d'Allah. Un signe pour vous. Laissez-la donc manger sur la terre d'Allah, et ne lui faites aucun mal. Sinon, un châtiment douloureux vous saisira. Et rappelez-vous quand il vous fut succédé au Had et vous installa sur la terre. Vous avez édifié des palais dans ces plaines et taillé en maison les montagnes. Rappelez-vous donc les bienfaits d'Allah et ne répandez pas la corruption sur la terre comme des fauteurs de troubles. Les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil dirent aux opprimés, à ceux d'entre eux qui avaient la foi: savez-vous Si Salih est envoyé de la part de son Seigneur, ils dirent « Oui, nous sommes croyants à son message ». Ceux qui s'enflaient d'orgueil dirent « Nous, nous ne croyons certainement pas en ce que vous avez cru ». Ils tuèrent la chamelle, désobéirent au commandement de leur Seigneur et dirent « Ô Salih, fais-nous venir ce dont tu nous menaçais, ce dont tu nous menaces si tu es des nombres des envoyés ». Le cataclysme les saisit alors et les voilà étendus, gisant dans leur demeure. Alors il se détourna d'eux et dit « Ô mon peuple, je vous avais communiqué le message de mon Seigneur et vous avez conseillé sincèrement, mais vous n'aimez pas les conseillers sincères. » Et il y a d'autres versets qui sont mentionnés, qui sont assez longs. Inch'Allah, on ne va pas tous les citer pour celui qui veut revenir à ce récit. Inch'Allah ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Kazzabat thamoud bitarwaha » Les Thamoud, par leur transgression, ont crié en mensonge. Comme on avait parlé, ils ont transgressé. Hein? Ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont démenti le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Donc à cause de leur transgression et de leur orgueil envers la vérité. Et de leur arrogance sur les messagers d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite « Idhim ba'atha ashqaha » Lorsque le plus misérable d'entre eux se leva, c'est-à-dire le plus misérable de leur tribu, celui qui a l'extrême du malheur. Hein? Il s'appelait, comme ils disent les Mufassirun, hein, ceux qui ont expliqué, cet homme il s'appelait Qudar ibn Salif. Qudar ibn Salif. Et lui, c'était quelqu'un qui était noble. Auprès de son peuple. C'était quelqu'un qui était connu pour être violent. Il avait du pouvoir. Hein, les gens l'obéissaient. Donc lui, il s'est levé rapidement pour l'égorger. Allah, il dit, lorsque le plus misérable d'entre eux se leva, c'est-à-dire se leva rapidement pour égorger cette chamelle avec son épée. Hein, après s'être mis d'accord sur cela avec les notables, avec son peuple. Ils lui ont ordonné à cet homme, donc ils ont ordonné à cet homme de la tuer. Et il a obéi, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Qamar, la lune, verset 29. Puis ils appelèrent leur camarade qui prit son épée et la tua. Et la tua. Donc c'est lui cet homme, Qudar ibn Salif, qui a tué la chamelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّهَا. Le messager d'Allah leur avait dit la chamelle d'Allah, laissez-la boire. C'est-à-dire Salih alayhi salam leur a dit en les mettant en garde, la chamelle d'Allah, laissez-la boire. C'est-à-dire prenez garde à ne pas la tuer. Cette chamelle, qu'Allah subhanahu wa ta'ala en a fait un signe pour vous, pour que vous croyiez au message. Ne la tuez pas, car Allah subhanahu wa ta'ala, sinon vous détruira. Et son châtiment descendra sur vous. Et c'est pour ça qu'il dit après, mais ils traitèrent de menteurs et la tuèrent. Leur Seigneur les détruisit donc pour leur péché et étendit son châtiment sur tous. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les a anéantis, tous autant qu'ils sont. Comme on avait vu dans les différents versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un cri au-dessus d'eux. Un cri au-dessus d'eux. Un cataclysme en dessous d'eux. Et les voilà tous étendus, gisants dans leur demeure, tous morts. Le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, dans le dernier verset, il dit وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. Et Allah n'a aucune crainte des conséquences. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, comment peut-il avoir une crainte alors que c'est lui le dominateur suprême sur ses serviteurs? Rien ne sort de sa domination, de son contrôle et de son pouvoir. Tout lui appartient. La royauté absolue des cieux et de la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est lui le sage dans tout ce qu'il a décrété et légiféré. Comment peut-il avoir une crainte? Et Allah n'a aucune crainte des conséquences. Ainsi se termine Alhamdulillah, l'explication de cette grande sourate, Al-Shams, le soleil. Bien sûr, on a fait une explication simplifiée. Donc, Alhamdulillah, le croyant, il en tire beaucoup de bénéfices de cette sourate. Il faut que ça soit une exhortation pour lui. Lorsqu'il va la lire maintenant, il va comprendre le sens. Il va pouvoir méditer, Walillah ilhamd, sur cette sourate. Et pour pouvoir aussi le pratiquer. Pour pouvoir pratiquer la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Naam. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا وبارك فيكم On se retrouve inshallah ta'ala demain à la même heure pour la suite pour sourat al-layl Naam, n'oubliez pas inshallah ta'ala ce soir prochain rendez-vous ce soir à 22h avec le cours de notre frère Youssouf Abu Abdelrazak sur les paraboles du Coran Naam